Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 159. De la cruauté. La cruauté, opposée à la clémence, diffère de la férocité et de la barbarie. 1. La cruauté est-elle opposée à la clémence? À la clémence, qui tend à diminuer les punitions, est opposée la cruauté, que ce n'est qu'appelle l'atrocité de l'âme dans le châtiment. L'homme cruel est dur. L'homme clément est doux. L'homme cruel n'est pas compatissant. L'homme clément est plein de miséricorde. L'homme cruel et l'homme clément, on le voit, ont des sentiments contraires. 2. La cruauté diffère-t-elle de la férocité et de la barbarie? Sénèque disait, punir sans avoir été offensé, ce n'est pas cruauté, c'est férocité et barbarie. L'homme féroce ou barbare châtie pour jouir de la souffrance des autres, de même que la bête féroce nuit aux hommes pour se repaître de chair. Quand l'homme cruel dépasse la juste mesure, il considère du moins la faute du coupable, la férocité n'agit pour aucun motif tiré de la raison. Entre elle et la cruauté il y a toute la distance qui sépare l'homme de la bête fauve. Question 159 extraite de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Traduction et notes par F. Lachat. Volume 10. Vives. 1858. De la cruauté. Ici deux questions se présentent. Premièrement, la cruauté est-elle opposée à la clémence? Deuxièmement, quel rapport a-t-elle avec la férocité ou la barbarie? Article 1er. La cruauté est-elle opposée à la clémence? Il paraît que la cruauté n'est pas opposée à la clémence. Premièrement, selon Sénèque, De Clémentia, 2, 4, on appelle cruel ceux qui dépassent les bornes dans les punitions qu'ils infligent, ce qui est contraire à la justice. Or, la clémence n'est pas une partie de la justice, mais de la tempérance. La cruauté ne saurait donc être opposée à la clémence. Deuxièmement, on lit dans Jérémie, 2, il est cruel et n'aura pas de pitié, d'où il paraît que la cruauté est opposée à la pitié ou à la miséricorde. Or, la miséricorde n'est pas la même chose que la clémence, comme nous l'avons montré précédemment, question 157, 1 et 4. La cruauté n'est donc pas opposée à la clémence. Troisièmement, la clémence regarde l'infliction des peines, tandis que la cruauté consiste dans la soustraction des bienfaits, selon cette parole de la Sainte Écriture, Proverbe 11, celui qui est cruel, rejette jusqu'à ses proches. La cruauté n'est donc pas opposée à la clémence. Mais Sénèque dit au contraire, De Clémentia, 2, 4, la clémence a pour vice opposé la cruauté, qui n'est rien qu'une dureté atroce de l'esprit dans l'infliction des peines. Conclusion. Comme la cruauté implique la dureté dans l'infliction des peines, tandis que la clémence signifie la douceur qui les fait remettre ou diminuer, il est évident que la cruauté est opposée à la clémence. Le mot cruauté paraît venir de celui de crudité, car de même que les choses cuites ont une saveur douce et agréable, celles qui sont crues ont généralement un goût dur et âpre. Or, nous avons dit plus haut, question 157, 3 et 4, que la clémence impliquait une certaine douceur d'esprit qui porte à diminuer les peines. Il est donc évident que la cruauté est directement opposée à la clémence. Je réponds aux arguments. Premièrement, la mitigation des peines que commande la raison, se rapporte à l'épée qui, comme nous l'avons dit, question 120. Mais la douceur du sentiment qui inspire à l'homme cette mitigation, se rapporte à la clémence, comme l'excès de la peine dans les choses extérieures se rapporte à l'injustice, tandis que la dureté d'esprit qui porte à augmenter le châtiment, se rapporte à la cruauté. Deuxièmement, la miséricorde et la clémence ont cela de commun, qu'elles ont tous deux compassion de la misère d'autrui, mais de façon différente, car la miséricorde soulage la misère par des bienfaits, tandis que la clémence la diminue en adoucissant les peines. Et comme la cruauté implique un excès dans le châtiment, elle est plus opposée à la clémence qu'à la miséricorde. Cependant, à cause de la ressemblance de ces deux vertus, on appelle quelquefois cruauté le manque de miséricorde. Note. On dit également, c'est un homme sans pitié, et de celui qui est cruel, et de celui qui est dur pour les pauvres. Car quoique la clémence et la miséricorde soient des vertus différentes, elles ont toutes deux leurs racines dans la bonté du cœur. Fin de la note. Troisièmement, la cruauté est prise ici pour le manque de miséricorde, qui fait refuser un bienfait, quoiqu'on puisse dire aussi que ce refus est une sorte de peine qu'on inflige. Article 2. La cruauté diffère-t-elle de la férocité ou de la barbarie? Il paraît que la cruauté ne diffère pas de la férocité ou barbarie. Premièrement, une vertu ne peut avoir, sous le même rapport, qu'un seul vice qui lui soit opposé. Or, à la clémence sont opposées par excès la férocité et la cruauté. Celles-ci ne forment donc qu'un seul vice. Note. Un vice ne peut être opposé à une vertu que par excès ou par défaut, et soit par excès, soit par défaut, il ne peut y avoir qu'un seul vice qui soit opposé à la même vertu sous l'un de ces rapports. Aussi notre saint auteur va-t-il prouver que la cruauté est seule opposée par excès à la clémence, et que la férocité, qui dépasse la cruauté en malice, a pour contraire une vertu plus excellente que la clémence. Fin de la note. Deuxième, selon saint Isidore, étymologie, on appelle sévère l'homme dur et vrai sévus sévérus, c'est-à-dire qui exerce la justice sans pitié. La dureté féroce exclut donc l'adoucissement des peines qui se rapportent à la pitié. Or, cette exclusion est aussi le propre de la cruauté. Celle-ci est donc la même chose que la férocité. Troisièmement, la vertu peut avoir un vice qui lui soit opposé par excès, et un autre par défaut, lequel se trouve contraire à la vertu, qui reste dans le milieu, et au vice qui se tient dans l'excès. Or, il y a un vice de ce genre, c'est-à-dire par défaut, qui est opposé à la fois à la cruauté et à la férocité, savoir le relâchement ou la débonnaireté. On lit en effet dans saint Grégoire, « Aimez, mais sans mollesse, soyez rigoureux, mais sans excès, ayez du zèle sans cruauté, de la pitié, mais sans relâchement. » La férocité est donc la même chose que la cruauté. Mais Sénèque dit au contraire, De Clémentia, 2, 4, que quand un homme punit sans avoir été offensé, sans être irrité par quelque faute, ce n'est plus de la cruauté, mais de la férocité ou de la barbarie. Conclusion. La cruauté est aussi différente de la férocité, que la malice humaine diffère de la bestialité. La férocité tire son nom par similitude des bêtes sauvages, que l'on appelle féroces. Celles-ci nuisent en effet aux hommes, non pour une cause juste, dont la considération appartient à la raison seule, mais pour se nourrir de leur corps. C'est pourquoi l'on appelle féroce ou barbare, celui qui inflige un châtiment, non pour punir une faute, mais pour se récréer de la souffrance des hommes, ce qui rentre dans la bestialité, car ce n'est pas là un plaisir humain, mais une joie de bête féroce, provenant des mauvaises habitudes ou de la corruption de la nature, comme les autres affections bestiales de ce genre. La cruauté, il est vrai, dépasse la mesure dans l'infliction de la peine, mais elle considère cependant la faute du coupable. Aussi a-t-il entre elle et la férocité autant de différence qu'entre la malice humaine et la bestialité, comme le dit le philosophe, Éthique, 7, 5 ou 6. Je réponds aux arguments. Premièrement, comme la clémence est une vertu humaine, elle a directement pour vice contraire la cruauté, qui est une méchanceté humaine. Mais la férocité rentre dans la bestialité, et c'est pourquoi elle n'est pas opposée directement à la clémence, mais à une vertu plus excellente, que le philosophe, Éthique, 7, 1, appelle héroïque ou divine, et qui selon nous appartient au don du Saint-Esprit. On peut donc dire que la férocité est directement opposée au don de piété. Note. Le don de piété rend en effet le cœur de l'homme tendre et reconnaissant envers Dieu, doux et miséricordieux envers les hommes. La piété est donc la tendresse par excellence, c'est une douceur héroïque et divine, que les anciens philosophes ont pu soupçonner, mais qu'ils n'ont pas connue. À cette douceur est directement opposée la cruauté par excellence, qui est la férocité. Fin de la note. Deuxièmement, on ne dit pas simplement que l'homme sévère est dur, ce qui impliquerait un vice, mais qu'il est dur dans la vérité. Cette dureté ne paraît ressembler à la férocité que parce qu'elle empêche aussi de diminuer les peines. Troisièmement, la remise de la peine n'est un péché que quand elle blesse la justice, qui exigerait la punition du coupable, tandis que la cruauté va au-delà de ce que demande la justice. Mais la férocité ne fait aucune attention à ce que celle-ci réclame, et c'est pourquoi la trop grande indulgence ne lui est point opposée, mais est directement contraire à la cruauté. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.